Première partie, chapitre 14e de l'introduction à la vie dévote. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet, ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Grégory Kinlen. Introduction à la vie dévote par Saint François de Sales. Première partie, chapitre 14e. Méditation du dernier jugement. Préparation. Premièrement, mettez-vous en la présence de Dieu. Deuxièmement, suppliez-le qu'il vous inspire. Considération. Premièrement, enfin, après que le temps fixé par la sagesse de Dieu pour la durée du monde sera expiré, après cette multitude et ces variétés de prodiges et de présages horribles, qui feront sécher les hommes tout vivants de crainte et d'effroi, un déluge de feu se répandra sur toute la terre. Et la consumera entièrement, sans que rien de toutes les choses qui y sont échappe à ses flammes dévorantes. Deuxièmement, après cet incendie universel, tous les hommes ressusciteront au son de la trompette fatale de l'archange et se trouveront en présence les uns des autres dans la vallée de Josaphat, mais hélas, dans une situation bien différente. Car les uns y auront leur corps revêtu de gloire et de lumière, et les autres se feront horreur à eux-mêmes. Troisièmement, considérez la majesté avec laquelle le souverain juge paraîtra sur son tribunal environné de ses anges et de ses saints et ayant devant soi la croix plus éclatante que le soleil, signe de grâce pour les bons et de vengeance pour les méchants. Quatrièmement, ce sera à la vue de ce signe et par un secret commandement de Jésus-Christ que tous les hommes se partageront comme en deux parties. Les uns se trouveront à sa droite et ce seront les prédestinés, les autres à sa gauche, et ce seront les réprouvés. Éternelle séparation, puisque jamais ils ne se retrouveront ensemble. Cinquièmement, alors les livres mystérieux des consciences seront ouverts, il n'y aura plus rien de caché. On verra clairement dans les cœurs des uns et des autres tout ce qu'ils auront porté de mal ou de bien, de mépris de Dieu ou de fidélité à sa grâce, de péché ou de pénitence. Ô Dieu, quelle confusion d'une part et quelle consolation de l'autre. Sixièmement, écoutez avec attention la sentence formidable que le souverain juge prononcera contre les méchants. Allez, maudits, au feu éternel qui a été préparé au diable et aux anges, ses sectateurs. Pesez bien ces paroles, dont le poids les accablera tous. Allez, ce seul mot nous marque l'abandonnement universel que Dieu fera de sa créature, en la chassant de sa présence et ne la comptant plus au nombre de celles qui lui appartiennent. Allez, maudit. Ô mon âme, quelle malédiction que celle-ci! Elle est universelle, car elle comprend tous les mots. Elle est irrévocable, car elle comprend tous les temps et toute l'éternité. Allez, maudit, au feu éternel. Représente-toi, ô mon âme, cette funeste éternité. Ô éternité de peine éternelle, que tu es effroyable. Septièmement, écoutez aussi la sentence qui décidera de le ressort des bons. « Venez, dira le juge. » Ah, c'est la douce parole du salut, par laquelle notre Sauveur nous appellera à lui pour nous recevoir avec bonté entre ses bras. « Venez, les bénis de mon Père. » Ô aimable et précieuse bénédiction qui comprend universellement toutes les bénédictions. Possédez le royaume qui vous est préparé dès la création du monde. Ô Dieu, quelle grâce, car ce royaume n'aura jamais de fin. Affection et résolution. Premièrement, laisse-toi, mon âme, pénétrer de crainte par le seul souvenir de cette fatale journée. Ô Dieu, quelle sûreté y aura-t-il pour toi, puisque les colonnes même du ciel trembleront de frayeur. Deuxièmement, déteste tes péchés, il n'y a que cela qui puisse alors te perdre. Ah, juge-toi maintenant toi-même pour n'être pas jugé en ce temps-là. Oui, je veux faire comme il faut la discussion de toute ma conscience, m'accuser, me condamner, me juger, me corriger, afin que le juge ne me condamne pas en ce redoutable jour. Je me confesserai donc, j'accepterai les avis nécessaires, etc. Conclusion. Premièrement, remerciez Dieu qui vous a donné le temps et les moyens de prendre vos sûretés par l'usage de la pénitence. Deuxièmement, offrez-lui votre cœur pour en faire de dignes fruits. Troisièmement, Demandez-lui en la grâce. Pater. Ave. Fin du chapitre 14e. Première partie.